planète nettoyage. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Descoberta em 96.2 de França, Orleans, para todo o mundo em www.radio-arcanciel.fr. Descobertas. A melhor música de baile está aqui. Já chegou, é tão bom. Esta noite vou sair, vou dançar até cair. São três dias de prazer que eu vou ter. Sexta-feira à noite, lá vou eu. De l'accordéon McDaigai. Bien sûr, il n'y aura pas que McDaigai. Vous avez aussi Johnny et Valdivia qui seront là pour vous faire danser toute la soirée. Il y aura en ouverture un rouge. Et surtout, voilà, vous inquiétez pas pour la restauration. Il y a tout ce qu'il faut pour se restaurer. Donc n'oubliez pas demain à partir de 20h30 à la salle de Montisson à Saint-Jean-de-Luz. Et là, on écoute McDaigai. Que são bacanas, tá aqui. Revolução da música é mais que leve. É porque na vida do mundo a Paris. Represento Portugal, o que dá lá vi. Um, dois, três, que são bacanas, tá aqui. Revolução da música é mais que leve. É porque na vida do mundo a Paris. Represento Portugal, o que dá lá vi. Vou para Portugal, vai ser sempre a curtir. É saudade. saudades são tantas que não dá para fingir. Festas, rumarias, toda a gente a sorrir. Noites sem dormir, vai ser sempre a abrir. Barracas de fartura e de pão com chouriço. De toque e francesinhas, a malta só vai nisso. Visitar a família é sempre um compromisso. E usa castiço, cabelo postiço. Ora, vira, vira, vira, vira, vira e toca a virar. Mexa a bunda, mexa a bunda, mexa a bunda sem parar. Ora, vira, mexa a bunda, ora, vira, mexa a bunda sem parar. A vida é quatro vezes. On va tous travailler. Je regarde la mini terre seulement à la télé. Tenho lembrança de tout ce que j'ai fait cet été. J'ai fait cet été, oh j'ai fait cet été. Olha, vira, vira, vira, vira e toda a virar. Mexa bunda, mexa bunda, mexa bunda sem parar. Olha, vira, mexa bunda, olha, vira, mexa bunda sem parar.

poursuit avec Edouard Santa Anna, Chop Shop. Et juste après, on aura au son de terre, Viva todos padeiros. Estava sentado no bar, mais uma noite a esperar que ela trocasse um só olhar comigo. Brinda-lhe mais uma vez, já eram duas ou três, mas do seu lado nem um só sorriso. Já bem tocado arrisquei e a garçonete chamei, dei-lhe um bilhete para me entregar. Era um poema de amor, parece que ela me gostou, então olhou-me com aquele olhar. E quando se levantou, o bar inteiro parou, pensando mesmo que eu estava a pensar. Se ela via sentar aqui e no meu copo der um toque, que é chove, chove, que é chove, chove. E se disser para eu pedir outra rodada e mais um shot, que é chove, chove, que é chove, chove. E quando a coisa tiver tom, vamos ter mais chove, chove. Vamos de táxi para o meu lado, acabar o chove, chove. Sentado no bar, mais uma noite a esperar que ela trocasse um só olhar comigo. Prenda-lhe mais uma vez, já eram duas ou três, mas do seu lado nem um só sorriso. Já bem tocado arrisquei e a garçonete chamei, dei-lhe um bilhete para me entregar. Era um poema de amor, parece que ela gostou, então olhou-me com aquele olhar. E quando se levantou, o mar inteiro parou, pensando mesmo que eu estava a pensar. Se ela via sentar aqui e no meu copo der um toque, que é chove, chove, que é chove, chove. E se disser para eu pedir outra rodada e mais um shot, que é chove, chove, que é chove, chove. E quando a coisa tiver tom, vamos ter mais chove, chove. Vamos no táxi para o meu lado, acabar o chove, chove, chove, chove, chove, chove, chove, chove, chove, chove, chove, chove, chove, chove, chove, chove, chove, chove, chove, chove, chove, chove. Se ela via sentar aqui no meu copo der um toque. Eh oui, c'est Eduardo Santa Anna, Chop Chop, c'est son nouveau, sa nouvelle chanson, quoi, voilà. Et voilà, juste après, on poursuivra avec au son de la terre, Viva todos padeiros. A nossa! Meu Vivam todos os padeiros que noite e dia fazem pão. Vivam todos os padeiros que trabalham com paixão. Vivam todos os padeiros que noite e dia fazem pão. Vivam todos os padeiros que noite e dia fazem pão. Vivam todos os padeiros que trabalham com paixão. Vivam todos os padeiros que noite e dia fazem pão. Vivam todos os padeiros que trabalham com paixão. Vivam todos os padeiros que noite e dia fazem pão. Eh oui, son de terre, vive todos os padeiros. Donc, eh oui, c'est un hommage à tous nos boulangers. Nos boulangers qui, voilà, qui se lèvent tôt le matin pour nous faire du bon pain. Et juste après, on va poursuivre avec José Mayo, au Quarto Centilés. Por favor, diz amor, onde tu estás, quero te encontrar. Deixa eu te ver, preciso dizer, não consigo aquela noite esquecer. Foi magia ou não, foi uma ilusão. Está preso na pele, teu sabor a mel. Estou perdido de amor contigo. Por favor, faz amor comigo. Volta ao quarto 110. Vamos ser felizes só mais uma vez. Abraçar de novo a nossa nudez. Tu e eu no nosso quarto de prazer.

teus que ainda guardo em mim. Os beijos teus que ainda guardo em mim. Quando eu te conheci, não queria acreditar que estava à minha frente um homem lindo de encantar. Teu olhar é envolvente, teu sorriso é tentador, tua boca é tão perfeita que eu estou a morrer de amor. Ai amor, tens que ser meu, não posso facilitar um pãozinho tão gostoso. C'était Joanne Aizompan. Et là, juste après, on écoute Magda Gait au Z Atask. Et ça a été demandé de Jérôme pour sa maman, pour moi-même et pour Christine. Je suis désolé, j'ai mon invité en face, Lionel, que tout le monde connaît. Il n'a pas dit pour toi, mais il a dû oublier. Donc c'est pour tous les dimanches, il nous appelle, il nous félicite, il choisit sa chanson. C'est un fidèle auditeur hein, de Radio Arc-en-Ciel et il écoute toutes les émissions, je crois. Oh. Tout à fait. C'est quelqu'un qui est vraiment fidèle aux écoutes, mais dans toutes les émissions, pas une émission spécialement, c'est vraiment toutes les émissions. Donc du coup, en plus, il est suivant dans nos spectacles, tout ça. Exactement. Il sera le bienvenu demain. Ouais, donc du coup, voilà, ça a été demandé par lui, pour sa maman, bien sûr, hein, pour sa maman, Christine, Manu, allez, on va dire Lionel, et tous les gens de la radio. En tout cas, on lui souhaite un bon week-end et on le remercie d'être toujours à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. On écoute Magda Gait.

Et donc voilà, on a que des nouveautés dans l'émission. Hein. Voilà, c'est que des nouveautés. Voilà, vous avez reconnu la voix à Lionel, à Lionel qui est venu me rejoindre et que vous connaissez tous. Hein. Qui ne connaît pas Lionel? Moi, que j'ai initié cette émission découverte. Hein. C'est Lionel qui l'a lancée, tout à fait. Et elle est toujours là. Hein. Tu peux dire combien d'années elle a cette émission-là? Une bonne trentaine d'années. Hein. 30 ans, vous vous rendez compte? Plus même. Elle a été reprise par plusieurs personnes déjà. Comme quoi le nom était. Ouais. Hein. Mais bon. Personne n'arrive à la hauteur de Lionel. Oh, ça, non, faut pas dire ça. Je ne veux pas que tu dises ça. Si. La preuve, ton émission, elle est toujours là. Oui, mais donc, parce que voilà, il y a eu des bons animateurs qui ont oui, donné bien la sûr. Suite. Non, mais il y a eu Balthazar, il y a eu toi. Balthazar, qu'on n'oublie pas, oui, qui faisait une très bonne émission. Il y a eu aussi Oufran Martins, oui, aussi, qui faisait aussi des bonnes émissions. Mais bon, avec leur, voilà, leur travail, c'était un peu compliqué pour eux de continuer. Et aujourd'hui, c'est moi qui a repris. Mais moi, je, voilà, quand j'ai dit qu'on n'arrive pas à ta hauteur, moi, j'arrive pas à ta hauteur. Je ne parle pas des autres. Donc voilà, vous avez reconnu Lionel. C'est que qui est toi, là, tu parles pas beaucoup. C'est peut-être ce qu'ils veulent, nos auditeurs aussi. Alors, tu parles beaucoup de musique et pas beaucoup de paroles. C'est le seul reproche que je peux te faire. C'est vrai, mais c'est beaucoup de gens me l'ont dit que je ne parle pas beaucoup. Alors, pourquoi je ne parle c'est pas beaucoup? C'est pas un reproche. Je sais très bien. Alors, j'ai du mal déjà à parler tout seul devant un micro. Je vous avoue. Ouais, quand je suis là, tu te lâches. Voilà. Quand il y a quelqu'un en face, je sais à qui je parle. Je sais qu'il y a une personne, j'arrive à lui parler. Mais quand... Voilà, c'est pour ça que je dis, faut avoir... C'est pas si facile que ça d'être animateur, en fin de compte. Hein. On parle tout seul, finalement. On parle à un micro. On sait qu'il y a des centaines de gens personnes qui nous écoutent et qui nous critiquent et qui nous aiment et qui nous adorent. C'est pour ça qu'on est là encore. Voilà. Puis bon, la critique fait avancer. C'est normal. Ça, de toute façon, on l'accepte, ça. Mais moi, c'est le fait de parler à un micro qui ne me répond pas. Tu vois, moi, je suis plus à l'aise en portugais qu'en français. Pourtant, je fais toujours l'effort quand il y a un animateur qui parle français, de parler français. Ouais. Bah, écoute, moi, je suis désolé. Voilà, mon problème à moi, c'est vrai que le portugais, je parle un peu le portugais, mais je suis désolé. T'es arrivé en France avec quel âge? 5 ans. J'allais sur 6 ans. Je viens d'avoir 6 ans. Je dis pas mon âge d'aujourd'hui, mais ça fait déjà pas mal d'années que je suis là. J'ai pas suivi de cours en portugais. Moi, j'ai jamais fait l'école portugaise. Donc, moi, je suis arrivé, j'avais 14 ans, donc j'avais vécu quand même un petit peu là-bas. Puis t'as, voilà, puis j'ai des bien. Racines bien ancrées. Et puis tu as fait un peu d'études portugaises. T'as quand même fait des études au Portugal. Ouais, t'as des petites études. Hein, oui, j'ai fait les bases. Moi, j'ai pas eu les bases. Et donc moi je m'excuse, des fois je dis des noms de chanteurs ou même des titres de musique et j'écorche les noms. C'est pour ça que souvent. Non, mais c'est pas grave, Manu. Bah oui, mais voilà, je m'en excuse auprès de ces gens-là. C'est pour ça que j'ai du mal à parler le portugais, parce que je sais que j'ai une prononciation. Et qui défend mais un petit peu. Tu passes bien, ta voix. Non. Bon, merci pas pour Lionel, faire des c'est, fleurs, gentil, hein. C'est gentil Lionel. Lionel, de toute façon, c'est le gars qui est toujours là pour rassurer tout le monde. Lionel, c'est le monsieur calme, monsieur tout va bien. Et moi, ça sert à rien s'il est là. Hein. Non, mais bien sûr. Mais il en faut. Heureusement qu'il est là. Voilà, pour Dieu, mais non. En fin de compte, Lionel, il fait rebaisser la pression à chaque fois. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, Lionel, il est là. On va parler de. Bah, notre soirée demain, c'est aussi pour ça qu'on est là. Enfin, c'est pas. On est là pour nos auditeurs, mais aussi nous, on fait en sorte que nos soirées ça batte leur plein. Hein. Bah, c'est le but de la radio. Hein. Là, c'est ce que je dis souvent. La radio, elle est à tout le monde. Elle est à tous les gens qui nous écoutent, les adhérents, voilà, et surtout les gens qui nous écoutent, parce que c'est quand même grâce à eux aussi que voilà qu'on existe, est là. Hein, qu'on voilà. est là. Hein. Les événements qu'on fait, c'est grâce un peu à tout le monde. Mais aussi, il ne faut pas oublier nos sponsors. Sans eux, il n'y a rien. Ça, les prix des entrées, ils ne seraient pas possibles. Là, c'est 10 euros pour tous les adultes. Les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans, je crois que c'est 10 ans. 10 ans. Je regarde la feuille, c'est entrée gratuite. Ouais, je crois que c'est pour les enfants de moins de 10 ans, un truc comme ça. Je crois que c'est 10 ans. On pourra vous le dire, mais ouais, bon. Ouais, mais je crois que c'est moins de 10 ans. Quoi. Ouais, moins de 10 ans, donc c'est gratuit. Et après, on a les adhérents. Eux, c'est 8 euros. 8 euros. Alors, il y en a qui vont nous dire, oui, c'est pas grand-chose. Mais si vous regardez 3 fois dans l'année, ça vous fait tout de suite déjà 6 euros dans la poche, quoi. Ouais. C'est, voilà. Plus la galette qu'on offre pour une cotisation de 20 euros par an. Et qu'une cotisation mais qui n'a il pas nous faut des adhérents. Il nous en faut. Une association sans adhérents, c'est pas une association. T'es bien d'accord avec moi? Ah, tout à fait. Je recherchais un petit. Voilà. Justement, je cherchais un petit papier pour les gens qui veulent devenir adhérents, qui peuvent appeler maintenant le secrétariat, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un secrétariat qui est en place. Donc, vous pouvez appeler le 02 38 43 50 09. tout simplement pour leur dire que voilà, je veux devenir adhérent. Et puis notre amie Annabella vous dira la procédure à faire. C'est pas grand chose, vous envoyez un chèque, vos coordonnées, et vous recevrez chez vous une carte d'adhérent. C'est simple. C'est tout simple, et puis c'est une manière d'aider la radio, l'association IOTA. C'est une manière aussi de aider, et puis voilà, et puis c'est ce que je dis là, là surtout l'année qui vient de se passer, on a fait pas mal de travaux. Ça serait bien que les gens ils viennent voir. Justement, on a changé la console, on part avec un truc. On se croit déjà à Noël, il y a plein de petites lumières. On a une console qui est digne des professionnels, de énergie, pour pas citer, excuse-moi de citer des radios. Non, mais on est à l'auteur de beaucoup de radios que. Tout à fait, là, qu'ils ont pas ce matériel-là. Et grâce aussi à nos sponsors, à nos balles, à nos fêtes, et ainsi de suite, hein. Et au travail, toute une équipe du conseil, hein, et pas seulement des bénévoles. Il y a les bénévoles aussi derrière. Il y a les gens, tous les gens du conseil, bien sûr, qui font des efforts, malgré des fois leur travail, parce que la plupart de nous travaillent encore. Voilà, moi et Lionel, on n'est plus en activité, on va dire. Mais c'est ceux qui ont le plus de travail. Des fois, on est pris que des autres. Voilà. Mais voilà, donc pour dire à tous nos collègues, là, qui font partie du conseil, un grand merci, malgré leur activité, qui s'investissent aussi pour la radio, et bien sûr tous les bénévoles, quoi. Je voulais revenir juste au prix des entrées. Si vous avez remarqué, les entrées depuis un moment, c'est toujours 10 euros. Ça tourne plutôt 10 et euros. Et qu'avant, il y a ça, 6, 7 ans, 10 ans, on était déjà à 13, 14 euros. Voilà. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'aujourd'hui, les artistes, eux, les prix, ils ont quand même augmenté. Oui, parce qu'il y a les billets d'avion qui ont augmenté. Il y a, tous les frais, hein, l'hôtel récent. Il y a beaucoup de frais, voilà, on a beaucoup de frais. C'est pour ça qu'on peut vous dire que, vous savez, aujourd'hui, la radio, elle ne cherche pas à s'enrichir. Un artiste qui touchait 5 000 euros, maintenant, il va peut-être toucher 8 000. Tout à fait, voilà. Nous avons eu le cas de certains artistes qu'on a appelés tout au début de leur carrière. C'était un prix. Et aujourd'hui, je peux vous dire que. On ne peut pas les avoir. On ne peut pas les avoir. Certains, on ne peut même pas les avoir. Donc voilà, c'est simplement pour que vous sachiez que quand vous venez dans nos balles, hein, vous aidez la radio. Vous venez, vous en profitez, vous vous amusez, mais aussi ce geste vous aide, d'une manière, vous aidez la radio à investir. Vous investissez dans la radio. On va dire ça comme ça. Donc voilà. Donc 20 euros, c'est rien. Si vous regardez 20 euros, c'est 1,50€ par mois. C'est même pas le prix d'un café. Et puis, vous avez, tout à l'heure, j'ai dit tous les avantages, mais vous avez le droit d'assister à l'Assemblée Générale qui se fait tous les ans. Tous les ans. Et puis, vous pouvez écouter, tous les commentaires qui se font, les comptes, et ainsi de suite. Tout à fait. Donc voilà, on va repartir un petit peu sur de la musique et juste après, on reparlera. D'accord. N'oubliez pas demain, grande soirée arc-en-ciel. Ah oui, hein. Demain. Voilà. Donc voilà, on allait en parler après, mais demain, voilà, bien sûr. Alors je vois qu'il y a déjà beaucoup de gens qui nous ont appelés. Je pense qu'il va y avoir du monde. Beaucoup de gens qui nous ont appelés déjà. Donc demain, c'est bien à la salle de Montition, à Saint-Jean-de-Blanc, à partir de 20h30, parce que à partir de 21h, je crois qu'à Rouge, ils vont démarrer. On va essayer de démarrer de bonne heure. Pour voilà. Que les gens ils s'ennuient pas. Hein. Alors on m'a dit qu'est-ce que c'est à Rouges. Bah, Lionel, toi tu vas peut-être pouvoir l'expliquer. Qu'est-ce que c'est à Rouges? C'est moi je suis pas du nord, hein. Je suis pas de Doumigne. Oui, mais à Rouges c'est quoi? C'est les chants traditionnels, les danses qui les filent. Sans que ça soit des groupes attitrés, ça peut être des gens qui viennent et qui dansent. Qui dansent avec un accordéon. Et puis j'ai cru comprendre que les gens dans la foule, ils peuvent se joindre aux danses. Oui, il faut danser justement. Voilà, j'ai cru comprendre ça. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, venez découvrir. Moi, j'ai déjà vu, je trouve que c'est beau à voir. Voilà. Donc voilà, alors ne vous inquiétez pas. C'est typique, c'est ça. C'est le Portugal. C'est la convivialité, on va dire. Tout à fait. Donc là, on va reparler de tout ça après, mais là, on va s'écouter une chanson. Alors, une chanson que j'aime bien, je sais pas pourquoi, je sais pas si tu connais, Lionel, c'est Luis Cardoso, Apurada da Mulher. T'as compris? Alors, j'ai écouté les paroles. C'est mais apparemment, le mec, il aime bien qu'on tape dessus. Aligné, donc, quoi. Je sais pas si c'est ton cas. Vivas Mulheres. Oui, je suis battu. Je suis battu tous les jours et tout. Elles ont raison, faut plus qu'elles se laissent faire. Donc, ouais, mais c'est pas une raison pour qu'ils tapent les hommes. Parce finalement, il y a beaucoup d'hommes qui, c'est des martyrs aussi, hein. Bien sûr. Moi, j'en suis un, moi. Qu'est-ce que tu crois? Allez, on écoute Luis Cardoso, Apurada da Mulher. Quando me

avó dizia: filho, cuidado com eles, eles fazem-se de amigos, mas é tudo falsidade. Já diz um velho ditado: cada macaco no seu galho nunca fez tanto sentido. Procurei, mas é trabalho. Lembra-te da tua infância, quanta gente ajudaste. Hoje em dia nem te falam, ainda bem que duraste. São os grandes mentirosos, aldrabões e caloteiros, faziam-se teus amigos só para ganhar dinheiro, mas um dia vão pagar. C'était Mira Freitas, Amigo. Et là, on va continuer avec une chanson de Noël, vu qu'on arrive dans la période de Noël déjà. Ça va être une chanson que... Là, je crois que c'est une nouvelle chanson qui vient de sortir de Marc Paul, Agathe et José Amar. Et Natal. Aquece os corações, vem a todos amar. É Natal, um sorriso sincero, um abraço fraterno, onde todos se amam e semeiam amor. Traz a nós ilusões de infância, faz o homem criança e amar sem rancor. Estrela no céu anuncia o Natal. Traz a luz do menino Jesus e aquece os corações, vem a todos amar. É Natal, um sorriso sincero, um abraço fraterno, onde todos se amam e semeiam amor. Faz na terra e amor, é Natal, um mundo melhor, Gaita, imigrante português. Tourisme. Donc Magda Gaïta qui sera avec Radio Arc-en-Ciel demain, samedi 18 novembre, à la salle de Montition à Saint-Jean-de-Blanc. Donc voilà, venez, soyez au rendez-vous, venez en famille, emmenez vos amis, venez passer une soirée pour vous amuser. Et même les gens qui peuvent venir, ils peuvent venir manger quelques amuse-gueules, comme on dit. Hein. On m'a appelé cette semaine, on m'a demandé qu'est-ce qu'il y a à manger. Alors, qu'est-ce qu'il y a à manger ? Il y a un peu tout, on va dire. C'est les amuse-gueules, hein, comme on dit en français. Ouais, on va dire, écoutez, vous avez des bifanes, vous avez moelles. Moelles, c'est des gésiers, bien sûr, pour les Français qui nous écoutent. Bifanes, c'est quoi ? C'est du pain avec de la viande en sauce. Hein, dedans. C'est une spécialité portugaise, hein. Tout simplement. Tout à fait. Donc voilà, vous avez bifanes, moelles. Vous avez aussi des planches. Alors les planches, c'est quoi? Les planchas, ouais. C'est pas une plancha, c'est une planche, hein. On appelle ça de la planche. Aujourd'hui, c'est à la mode. En fin de compte, c'est plein de charcuterie. Sur, voilà. Avec un peu de fromage, voilà, il y a un peu de tout, voilà. À partager entre amis, justement. Vous avez ça, il y a des frites. Et puis, bien sûr, il y a à boire. Alors, à boire, il y a tout. Modération pour l'alcool, mais... toujours pour modération. Ouais, exactement. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez venir, si vous dites que c'est un peu tôt, que vous n'avez pas le temps de manger, vous pouvez manger sur place. Il y aura ce qu'il faut. Donc, n'hésitez pas, venez demain. L'entrée, c'est 10 euros. 8 euros pour les adhérents. Pour les moins de 10 ans. 10 ans, je crois. C'est gratuit pour les moins de 10 ans. C'est gratuit. Voilà. Et puis, tout ça avec l'accueil des... d'arc-en-ciel. Non, voilà, c'est tout. Voilà. Comme je dis, vous venez en amis, venez en famille. On est là tous pour s'amuser, quoi. On vient juste. Et puis bon, faut dire aussi que Magda Gaïta. Il y a l'ambiance, hein, qui va avec, hein. Voilà, Magda Gaïta, c'est quand même quelqu'un. Nous, on l'a eu dans notre show. Je crois qu'il a fait sa première scène, on peut dire ça. On l'a fait découvrir pratiquement, hein, comme c'était lui, comme Lucienzo, comme beaucoup d'artistes, hein. Ils sont passés d'abord chez nous, comme, par exemple, Zemal, il est passé chez nous, pratiquement au début de sa carrière. Il venait chanter la chanson, c'était Oubaïch, un ballon de Oubaïch. Voilà, Oubaïch, je sais pas. Ouais, exactement. C'est d'ailleurs la chanson qui l'a un peu lancé. Et au Magda Gaïta, de toute façon, samedi dernier, Christine l'a eu en interview. Il l'a dit lui-même que oui, moi, ma première scène a été chez vous, chez Radio Arc-en-Ciel. Donc, on en a quand même. Donc voilà. Et d'ailleurs, Radio Arc-en-Ciel est là pour ça, pour faire découvrir des nouveaux talents. Donc, et aujourd'hui, ne le rend parce que quand on les appelle, ils sont présents. Ils sont présents pour nous, voilà. Et je pense que c'est quelqu'un. Moi, j'avoue que ça fait un moment que je ne l'ai pas vu sur scène, mais je le suis un petit peu. C'est vrai que c'est quelqu'un qui, voilà. Il tourne et puis il est aimé par la communauté portugaise surtout. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc venez demain, voilà. Réservez votre date pour demain. Soyez présents. Venez avec vos amis, en famille. Venez vous amuser avec Radio Arc-en-Ciel. Et on fait ça parce que, bien sûr, c'est. Alors, Radio Arc-en-Ciel, fête, c'est combien ? 38 ans que Radio Arc-en-Ciel existe déjà. Donc Lionel peut en parler parce que c'est un... Je pense qu'il est né pratiquement avec l'Arc-en-Ciel. Oh, il était déjà né à Arc-en-Ciel. Je me suis rejoint à l'équipe 5-6 ans après. Voilà, mais je veux dire, t'étais là pratiquement depuis le début de Radio Arc-en-Ciel. Il y avait toi Jérôme qui a démarré aussi Carmanda, tout au début. Et Fernanda. Jérôme qui c'était vraiment encore un petit gamin, quoi. D'après ce qu'il nous a dit, 6-7 ans, je crois. Oui, il a démarré au téléphone sonne le dimanche matin. Il répondait déjà au téléphone à l'âge de... Mais il avait déjà ça en lui, tu vois. C'est quelqu'un qui aime la radio. C'est la radio peut-être qui a donné envie de faire tout ça. Le chant, la danse, l'animation. Ce qu'il fait aujourd'hui, ouais, tout à fait. Donc en tout cas, voilà. Et puis je voulais aussi remercier déjà tous nos sponsors, bien sûr, mais surtout les sponsors du bal de demain. Hein. Je pense qu'on va, Christine va les remercier un par un. Mais en tout cas, à chaque fois, ils vont être remerciés à l'antenne pendant quelques semaines. Bien sûr. Déjà, c'est un avantage. Vous avez une promo. On leur fait une promo. Donc, vous êtes dans les affiches, la promo, les affiches sur Internet, c'est. Ouais, tout à fait. Donc moi, de ma part, je les remercie déjà pour ce qu'ils font parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une période qui est assez difficile quand même. Faut dire mais ce qui est vrai. C'est bien. Pour moi que j'ai une entreprise, son entreprise, faut la divulguer, faut la faire connaître pour avancer. Si on la connaît pas, on peut pas avancer. Tout donc, à fait. Faut faire la promotion, faut faire ainsi de suite. En tout cas, voilà ma part et tous les gens du conseil. Un grand merci à tous nos sponsors qui nous aident. Je voudrais aussi parler d'une personne qui nous aide beaucoup ici. C'est et bien sûr, il fait partie de l'ensemble des sponsors. C'est RPG. Voilà, c'est quelqu'un, c'est lui qui nous emmène tous nos artistes, qui va les chercher et qui les ramène le lendemain. hein. Et c'est quelqu'un oui, il est là pour les emmener à l'hôtel, les ramener. Voilà, donc c'est entre autres voilà un de nos sponsors qui est avec nous, hein, qui nous suit toute l'année. En tout cas, un grand merci à eux. Hein, pour le boulot qu'ils font, voilà, pour être disposition, parce que des fois les heures ne correspondent pas tout à fait à leur planning. Hein. Eux, ils arrivent à se caler pour justement aller chercher nos artistes et les ramener. En tout cas, un grand merci et à toutes les entreprises de bâtiments, restauration. Oui, après on peut en citer plein. Là, ouais, ceux de Typique, où il y a Charpente, ouais, c'est ça, Charpente. L'entreprise Mariano qui est là depuis des années, voilà, depuis le début de la radio. Mariano qui nous suit pratiquement et qui nous aide beaucoup aussi. Hein, faut le dire aussi que l'entreprise Mariano nous aide beaucoup pour nos événements. En tout cas, un grand merci à tous leurs employés et aussi à Monsieur Mariano, bien sûr, qui nous aide et qui continuera à nous aider. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder sur tout ça. Sinon, on va en oublier certainement. Voilà, on va en oublier, mais on en parlera plus au détail. Je pense que Christine fera un petit message de remerciement pour tous ces gens-là. Et on va continuer un petit peu avec une chanson, c'est pareil. Alors, c'est une chanson, c'est pareil, que j'aime bien parce que ça parle d'Amiens Terre. Et Radio Arc-en-Ciel, on a déjà toute une organisation pour 2024. Ah, on peut en parler, on en parle après peut-être. Peut-être, allez. Ah, on passe sur deux, trois chansons. C'est toi qui gères ton émission, non, Manu. Là, on va me dire que je parle de trop, là. On dit que je parle pas assez, mais aujourd'hui, vous allez en avoir pour vos demandes. Donc, on va écouter, c'est Céline de Carvalho, et sa chanson, Céline de Carvalho, c'est une artiste qui est assez ancienne, de Malinte. Oui, tout à fait. Et elle a commencé toute jeune. Ouais. Et je crois qu'elle était aveugle, hein, si je me trompe pas. Ah, ça, je sais, parce que je connais pas toute sa biographie. Mais en tout cas, c'est une chanson, alors j'aime bien parce que voilà, comme tout le monde aime, hein, parce que c'est de ma. C'est Malinte qui va chanter. C'est ma ville, voilà, d'où je suis. Elle est déjà venue dans nos spectacles. Je me rappelle pas d'elle. Honnêtement, je me rappelle pas d'elle. Mais il y a longtemps. Donc, on écoute Céline de Carvalho, Minha Cidade de Amarante. C'est parti, on écoute. Terra querida, eu quero tanto viver a vida em Amarante. Ó minha terra, ó meu jardim, és o que eu quero dentro de mim. Terra querida, paixão ao pé de mim. Meu coração abandonado bate forte por ti. Vem cá, paixão, faz-me feliz. O teu sorriso ilumina a vida que eu sempre quis. Se lâche un peu là. Il pleut, non. seja de Braga, Bragança, do Porto ou Lisboa. A Madeira, que ilhas tão boas. Vou regressar ao meu lar, onde possam me amar. Todos os anos vivi procurando pequenas lembranças do meu Portugal. Não importa o tempo que passe, eu hei de voltar. Sou imigrante, Miro Freitas, sou imigrante. Madeirense, ele é madeirense? Ah, je sais pas d'où il est. Si, si. Toi, tu es un peu plus calé que moi, Miro tu les connais tous. Uma voz bem, bem quente. Et c'est un artiste qui est en train de monter parce que depuis un moment, je le suis un petit peu aussi, à travers, bien sûr, comme tout le monde, hein, sur les réseaux sociaux, tout ça. Et il a des belles chansons. C'est quelqu'un qui. Pourquoi pas, d'ici quelques années, bientôt. Je peux pas le faire. J'ai remarqué qu'il y a des petits jeunes qui ou on peut dire ça, des jeunes par rapport à nous. Lui, il est pas. Enfin, ça fait longtemps qu'il est dans le monde de la musique. Ouais, mais on le connaissait pas trop, là, il a sorti voilà. 2-3 albums tout et qui commencent à bien tout fonctionner. Bah, pourquoi pas, un jour, ouais, ça peut être un jour que quelqu'un qui viendra pour, voilà, pour un événement de la radio. Tu te rappelles des gens, tous les. Radio Arc-en-Ciel a fait venir qui comme artiste cette année? Par exemple, Vamsatrop, comment il s'appelle qui était presque inconnu, elle a fait un tabac. Ah oui, je vois ce que tu veux parler. Joanne. Moi, voilà. Ça m'a toujours bluffé. C'était une artiste pratiquement inconnue. Mais elle est venue à la radio, elle, non? Oui, elle est venue. Et quand elle a sorti la chanson Vamsatrop, elle est venue à ce moment-là, puis on a fait boum. C'est qui au mois d'avril qu'on a fait venir? Mois d'avril dernier? Oui. Tu te rappelles pas? En plus, c'est toi qui nous l'avais dit. Je crois que c'est toi, celui-là. C'est pas George Grave. Ah, George Grave. Je sais pas, c'est... C'était pas en avril? Les dates, je retiens pas. Je retiens pas les dates non plus. Mais non, pour dire qu'on a, cette année, Radio Arc-en-Ciel, c'est vrai qu'on a été arrêté. Il y a Agathe qui est venue il y a pas longtemps. Il y a Agathe, tout ça. Et puis, il y a d'autres artistes qui sont prévus, comme Josh Fred, comme Zé Hamad. Alors, voilà. Donc, pour vous dire que Radio Arc-en-Ciel fait les choses bien et en grand, donc là, on peut déjà en parler. Notre premier bal et artiste de l'année 2024 sera Zé Hamad. Donc Zé Hamad, c'est le 3 février. Le 3 février, donc voilà. On a mis cette date, pourquoi? Parce que c'est en dehors des vacances scolaires. Donc c'était voilà pourquoi d'habitude on met tout le temps pour la Saint-Valentin, mais ça tombe toujours pendant les vacances scolaires, donc ça posait des problèmes. Donc Zé Hamad qui sera là, attention, il vient avec toute son équipe. Tout son staff. Tout son podium, une partie de son podium. Je ne sais pas si les gens l'ont vu au Portugal. Moi, je l'ai vu pas cette année, mais l'année dernière. Il a fait 2 heures de spectacle et c'était super. Hein. C'est vraiment un show. C'est pas l'artiste qui vient avec sa playlist et qui va. Non, il vient avec ses musiciens, son. C'est danseux, c'est des danseuses et danseurs, je crois. Il y en a plusieurs. Donc, par contre, voilà. C'est musicien. Et c'est musicien, voilà. Les billets sont déjà en vente ici à la radio. Hein. On peut acheter les. Alors, bien sûr, cette fois-ci, c'est un petit peu plus cher que d'habitude. Bah, parce que l'artiste. C'est quand même un artiste. Bon, on ne parle pas prix à l'antenne, mais ça n'a rien à voir avec le prix des autres. Attention, là, c'est vraiment toute une équipe. Oh, le prix, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous l'achetez maintenant, avant le jour J, C'est 15 euros. Voilà, attention, voilà. Non, je veux dire, le prix d'entrée, il est de 15 euros. 15 euros si vous le prenez sur les réseaux. Voilà, si vous venez le retirer directement à la radio dans nos bureaux. Toute la semaine, on a notre secrétaire. Il y a la secrétaire qui est là. Il y a eu beaucoup déjà de monde qui sont venus déjà acheter des billets, pour, même pour Georges Frey. Et puis, c'est une idée de cadeau pour la fin d'année et pour Noël. Hein. Exactement. C'est pourquoi pas offrir à vos parents, à vos enfants, deux billets pour aller voir. Le 3 février, ou alors vous avez aussi au Georges Frey, là, qui ça sera au mois d'avril. J'ai pas la date exacte. Je me rappelle plus. La date, c'est le 13 avril. Le 13 avril. Donc voilà, les gens qui peuvent choisir ou les gens qui veulent venir les deux, c'est les mêmes prix. Hein. C'est 15 euros. Alors, je finissais. C'est 15 euros en prêt, vous le prenez sur Internet, soit vous venez à la radio l'acheter. Et si vous venez le jour même sur place, c'est 20 euros. Donc, il vaut mieux les prendre à l'avance. Voilà. 15 euros pour un artiste comme ça, honnêtement, c'est pas cher. Parce que vu qu'il y a tous ces musiciens qui viennent du Portugal, les billets d'avion, le séjour, l'hôtel, manger. Je veux pas dire, mais je crois que c'est 2 heures de show. Hein. Ouais, ouais. C'est pas. Public qui pousse, c'est sans limite pratiquement. Zahamar, il est connu, il est aimé, il est suivi. Donc voilà, vous pouvez hein, déjà aujourd'hui, il y a déjà des gens depuis plus d'un mois. Je crois qu'on a mis en vente les billets en pré-vente. Ouais, c'est bien parti, déjà. Ça a bien démarré. Donc voilà. Alors, les places, ils seront limitées, bien entendu. Les places seront limitées. Les premiers venus, les premiers servis. Dès qu'on a atteint le, parce que voilà, bien sûr, la salle nous permet pas de mettre beaucoup de monde, donc ça sera des limités. Donc les premiers qui viennent, ils ont les places, les autres, et ça sera dommage pour les gens qui voudraient le voir et qui pourront pas. Mais donc voilà. Enfin, pour l'instant, on n'en est pas là encore. Il y a encore la place. Mais on commence déjà à en parler parce que je vous dis, on débutera l'année. On débutera déjà un petit peu avant parce qu'il y a la galette qui est offerte par la radio à tous ses adhérents. Ça, c'est juste pour les adhérents. Juste pour les adhérents. Et cette année, on attend de voir si on fait un peu différemment. On va voir ce qu'on va faire. C'est le moment de devenir adhérent de Radio Arc-en-Ciel, alors. Écoutez, voilà, vous mettez adhérent en fin d'année pour 2024 et vous commencez en tout janvier, de suite. Vous avez déjà une soirée. Vous avez déjà une galette offerte avec un petit spectacle qui va avec. Donc voilà, raison de plus de devenir adhérent. Autre chose, Lionel Arachet. Mais avant tous ces spectacles, il y a 2023, samedi, demain, on a le grand show avec Mike Daggett. Et puis on a une nouveauté, l'orchestre qui va animer le bal. C'est un couple. C'est un couple, et pour la première fois à Orléans. C'est la première fois à Orléans. Donc je crois que vous ne serez pas déçus. Non, apparemment, allez sur les réseaux sociaux et vous les écoutez, je pense, ils seront pas déçus parce que c'est des gens qui sont connus, surtout dans la région parisienne, tout ça, et qui se déplacent, mais chez nous, en tout cas. Et Johnny, il est connu parce qu'il fait plein de musique à tous les artistes portugais, donc il a fait les musiques de Capanègre. Toi, tu peux en parler parce que tu le connais mieux que moi. Et pas seulement, il est déjà venu sur Orléans, mais bon, pas en tant qu'artiste, mais il est déjà venu donc plusieurs fois. Il produit des chansons pour des... Et puis maintenant, il anime aussi des soirées. Donc voilà. Vous savez tout maintenant, voilà, demain, McDaggett, vous avez Jenny et Rusgas, bien sûr, que tout le monde, je pense que ça aussi, les gens, ils vont aimer ça. Et demain, c'est que 10 euros. Faut pas mélanger avec Osé Amal qui sera pour début 2024, hein, et qui sera, bien sûr, l'entrée à 15 euros si c'est pris en avance. Mais Mike Daggett, il sera pas tout seul, il y aura des surprises, vous allez voir. On dit rien, ça c'est pour les gens qui seront là, ils le verront demain. On poursuit un petit peu avec une autre musique. Donc c'est O João Claro et Benvida Costa, Minha Aldeia. Tu connais? Tu connais pas? Bah écoute. Maintenant t'es plus d'actualité que moi. On écoute O João Claro et Benvida Costa. Thank you. condições para dar, eu aceitei. Dava-se o que podias dar, mas era óbvio, algum dia ia querer-me mais. Fui indiferente, fingias não ler meus sinais. Eu virei costas, e a vida pois tinha de ser. Vida traça rumos, aproxima-nos, faz feliz e faz sofrer. Mas só quando a vida quer, a vida faz acontecer. Por vezes dói, mas logo vou por mim a sorrir, ao relembrar tudo aquilo que te fiz sentir. Também pensas ainda em mim, nesses momentos. Sei que sou muito mais que um fim, mas era óbvio que algum dia ia querer mais. O indiferente, fingias não ler meus sinais. Eu virei costas, e a vida pois tinha de ser. Ainda assim, ainda hoje te quero. A vida traça rumos, aproxima mundos, faz feliz e faz sofrer. Mas só quando a vida quer, a vida faz acontecer. C'était Monique Sintra. Et donc, comme je vous disais au début de mon émission, on va faire gagner. On va être généreux, c'est ça? Voilà, on va être généreux, on va faire gagner une place. Donc, ah, Manu, c'est toujours quelqu'un de très généreux. Hein. Tout le temps, moi, je donne même ce que j'ai pas. Voilà. Ah, bah, ça, tu... Donc, comme si vous avez écouté l'émission, vous avez trouvé facilement. Je vous avais dit en début de l'émission qu'il y aurait une place à gagner. Donc, la première qui appelle. Ou même premier, ceux qui n'ont pas écouté l'émission, ils peuvent. Ils peuvent, voilà. Donc, la question, c'est. Alors. Je vais la laisser à Lionel le dire. C'est quoi la question? Demain, c'est le bal anniversaire, c'est ça? C'est le bal anniversaire et Radio Arc-en-Ciel fait... Elle fête combien d'années? Voilà. Dites-nous le nombre d'années de Radio Arc-en-Ciel. Ah, c'est dépassé la trentaine. Entre 30 et 40. C'est déjà en train de leur dire de... Non, j'aime bien aider nos auditeurs. Donc, vous appelez... Alors, vous avez... Alors, j'ai pas le truc en tête, le numéro de téléphone. 02-38-43-48-00. Et le téléphone, ils sont déjà. Les gens, ils connaissent. Hein. Tu réponds ou je réponds? Vas-y, je te laisse répondre. Alors, restez bien à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. Il va lui mettre la musique, Manu. Attends, on va le prendre à l'antenne, cette personne. Oui, vas-y. D'abord, vas-y, tu décroches. Non, je peux pas. C'est toi qu'il faut qu'il décroche si tu veux passer à l'antenne. afasta sempre de mim qualquer falso amor. Sei que tenho junto a mim sempre vigilante. Donc la dame qui a appelé n'a pas donné la bonne réponse. Donc voilà, un autre appel. On va peut-être essayer de le prendre à l'antenne. Vas-y, tu laisses la musique de fond et puis tu... mais ameaçada, as penas das suas asas são o meu quartel. Sei que tenho junto a mim sempre vigilante, a luzinha que me guia pelo menor caminho. Cada vez que se aproxima uma estrada errante, sei que nada me acontece porque o meu anjinho olha. Vem de perto todos os meus passos. Olha por mim. Não deixa ninguém estragar minha sina. Alors, on a eu plusieurs appels, mais pour l'instant, personne n'a trouvé. Pourtant, c'est simple. On va être généreux. On va être généreux. On va les aider. Fourchette. On l'a dit tout à l'heure. Et il l'a dit déjà, la fourchette. Alors, on va mais dire... Non, mais tout à l'heure, on a dit la date. Il y a ça une bonne demi-heure. Oui, on a dit exactement les nombres d'années. Ah, j'ai encore un appel. Je vous aide un petit peu. C'est entre 35 et 40. Todo filho um diabo. Saudade, saudade. personne qui l'a trouvé et une autre personne qui appelle, on en fait gagner une deuxième. Bah c'est gentil, oui, allez. On va voir. La première personne, c'est comment elle s'appelle? Donc là il y a une personne, on va le dire après. J'écoute, je prends l'appel. On va. Allez. Dommage, la personne a raccroché. En tout cas, la réponse, elle a été trouvée par un monsieur qui s'appelle... Alors, s'il y a une personne qui appelle encore, on peut prendre encore un appel ou deux. Ouais, on peut prendre un appel. Ça appelle, mais bon, ça... Ça appelle, mais ça raccroche. Eh oui. On est là. Donc, voilà, la réponse a été trouvée par monsieur... Ah, il y a encore un appel. La réponse a été trouvée. Voilà. Donc, on ne prend plus d'appel. La réponse a été trouvée par monsieur Marilo. Qui viendra chercher bien sûr son entrée. Donc la réponse était, vas-y Lionel, c'était 38 ans. 38 ans. 38 years. Voilà. Alors, on m'a dit du 10 ans, on m'a dit du 32 ans, on m'a dit 35 ans aussi, tu vois. J'avais aidé un petit peu parce que j'avais dit entre la dernière fois 35 et 40 ans. Et 40, là sur le dernier, t'as aidé. Donc voilà, bravo à monsieur Marilo. Monsieur Marilo qui vient de gagner une place pour le bal de demain avec McDagight. Encore une fois, merci. Et j'ai vu qu'entre-temps... Il y a plein de... Là, c'est vraiment les mots qui arrivent. Sans me demander ma permission, tout le monde s'installe alors que je ne les ai pas invités. Excuse-moi, Mario, est-ce que tu m'autorises à m'asseoir à cette table? Est-ce que tu m'autorises à te parler? C'est un peu trop tard. Il y a un paquet qui est pas ouvert. Pourquoi? C'est un peu tard maintenant. Vous me très demandez, bien. Voilà, ils sont arrivés tous d'un seul coup. Sont tous non, dégueulasse, tout ça, je me trouvais que dans un dollar, je suis acquis. C'est nous les hommes qui les attirons. Bonsoir. Moi, je suis tout seul. Thomas Abel, je suis en ligne de radio à Francien. Je suis en stage. Voilà, donc vous avez reconnu où il va se présenter et où vas-y, maintenant t'as commencé. Mets ton casque. Assis. Et on t'a casque. Présente-toi. Ah oui, j'ai oublié de mettre les casques, ils sont dans la salle à côté. Bon. Donc, vas-y. Il s'est présenté, c'est Rouille, que vous connaissez tous, qui fait une émission les samedis. Qui fait tous les samedis de. Attendez là, je vais lui donner un casque. Je lui donne un c'est casque. Ce qu'on appelle les c'est ce qu'on appelle. Il est en train de faire la technique. Oh là là. Vous le verrez, c'est un pro. Il fait tout en même temps. J'allais dire la technique. La technique. La mécanique. Ouais, la technique, la mécanique, l'animateur. Donc voilà, je crois que. Et puis l'animation. Tout le monde est équipé avec un casque? Non, il en manque encore un. Non, c'est bon. Bon, il y en a d'autres. Bon. Donc voilà, il va se présenter. Le monsieur qui a parlé tout à l'heure, c'est... Donc vas-y, tu te présentes. Io sono Ruyen, sono qui animateur de la radio Arc-en-Ciel. Faço émission tous les sábados, das 15 às 18 horas, com o programa Mais Vale Pedir. Donc voilà, une voix que vous connaissiez maintenant depuis quelques temps, parce qu'il fait tous les samedis à partir de 15h, je crois. 15h18. Voilà. Après, vous avez à côté... madame. Olha, tens lá as pessoas como é que eu me chamo. Pronto, então, voilà, o homem está no chato. Que vous connaissez tous aussi qui faisait une émission avant le jeudi. E normalmente em breve vou voltar. Aujourd'hui, c'est Maya Lavey, elle est toute jaune, avec des petits points qui brillent. Et à côté de Lionel, à droite de Lionel, nous avons. Tout à fait, une voix que vous connaissez aussi, Christine Poutroir dans le coulisson, tous les samedis matin. Et je tiens énormément à vous remercier, vous, parce qu'aujourd'hui, on est tous là, tout simplement parce qu'on prépare. On prépare notre soirée de demain, et pour éviter de tout préparer en une seule journée, pour que ce soit moins fatigant, et bien on démarre ce soir, dont ton émission, certes, tant pis, mais on est venus tous, effectivement, pour commencer à préparer, tout mettre en œuvre pour que demain, ce soit une excellente soirée. La voix qui porte, c'est la voix de Christine. Hein. C'est Christine. Pas tout le temps. Tu remarqueras que quand Christine a parlé, Manu l'a ajouté. Mais vous êtes les bienvenus. Bien sûr. Tout à fait. Comme tout à l'heure, je vous ai un peu... En même temps, t'as pas le choix. Hein. Oui, j'ai pas le choix. Mais bon, non, vous savez très bien que vous êtes toujours les bienvenus dans mon émission. Même si c'est pas souvent, je me retrouve souvent seul. Il est plus galant à l'antenne, hein, avec tes filles. Hein. Ah, tout à fait. Bah attends, heureusement c'est que un autre homme. Mais moi, je suis toujours galant. Et... je suis pas méchant, moi. Les gens qui me connaissent vont le dire. Il y a les vitres, la vitre qui nous sépare, donc je peux tout dire. Par contre, je voulais juste une petite précision. Et on a eu quelques questions aujourd'hui durant la journée via nos réseaux sociaux. Auquel on nous demande, bien sûr, on a nos collègues, la partie main-d'œuvre qui est de l'autre côté. On se croirait en marchant dans les champs, en ignorant. Ouais, je m'en fais là. Et donc, oui, juste pour répondre aux questions qu'on a reçues sur nos réseaux sociaux, et on répond effectivement, on ouvre les portes de notre soirée à partir de 20h30. Oui, effectivement, il y a à manger, en partie snacking. Il n'y a pas un repas assis à table. Mais effectivement, si vous louez votre table, il y a possibilité de s'asseoir et de manger. Donc effectivement, c'est ce que je répondais pas mal. Il y a des petites tables à l'entrée. Il y a des petites tables, il y a de quoi. Autour du bar. Voilà, à partir de 20h30, celui que... Effectivement, on trouve que c'est fatigant de venir trop tard. Vous pouvez être là à partir de 20h30, et les portes elles ouvrent et il y a de quoi manger parce qu'effectivement, on fait cette partie snacking avec bifanage, des sandwichs, moelleux, les planches à partager bien remplies, bien garnies. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais plus. Bah, dites-moi les. Après, des gâteaux, des desserts, des boissons. Que des bonnes choses à manger. Des sandwichs. Non, mais je sais qu'elle ne mange pas beaucoup à la maison pour manger avec nous. Tout à fait. Pour vous, tu as raison. Donc, comme on est en casa, venham ter conosco. E tem a possibilidade, como eu estava a falar em francês, então as portas abrem às 20h30 e a partir das 20h30 vocês podem já lá estar presente e jantar conosco. É mesmo uma parte de snack que é servido, as bifanas, os sandes, há moelas. E o espetáculo é o quê? O espetáculo, justamente, mensagem muito privada, mas muito séria, é para os nossos grupos de rusgas, que são três grupos de rusgas vão estar presentes a partir das 21 horas, temos que estar certinhos. Às 21 horas começam então as rusgas, até às 22h30. Às 22h30 o Johnny e a Várzea, que estarão presentes então para animar o baile. Amanhã, muito em ponto, o grande, o Mike da Gaita, até à 1 da manhã, e a partir da 1 da manhã, novamente, o Johnny e a Várzea, e restante a rusgas, até não sei que horas. Aí está, vai dar tempo ir à missa das 7, ainda vai? Dá, vais a tempo, rapazinho, vais a tempo. E o preço? Il faut continuer de dire pour le prix. Il faut être adhérent de Radio Arc-en-Ciel, parce que Radio Arc-en-Ciel fait toujours un prix préférentiel pour nos adhérents, uniquement 8 euros et 10 euros pour les autres. Alors 8 euros, mais il faut qu'ils viennent avec leur carte, hein, sur présentation de leur carte quand même. Hein. Oui, voilà, en présence, ajout de sa cotisation. Voilà. Donc. Tout à fait, et puis après, il y a toujours aussi possibilité. J'allais rajouter un petit truc, et pourquoi pas renouveler leur adhésion ce jour-là? Il est dans mes pensées, ça me gêne ça. Voilà. Tout à fait, je serai là pour vous accueillir, pour mettre à jour justement cette cotisation. Et c'est le moment peut-être de renouveler déjà sa cotisation pour 2024. Tout à fait. Voilà. Et de vous emmener de nouveaux adhérents, hein, bien sûr. Hein, pour les gens qui ne le sont pas encore, ils peuvent le devenir. Hein. Donc. Donc tout a été dit, je pense, non? Vous avez encore autre chose à rajouter? Il y aura plein de choses à dire, mais bon. Ouais, voilà. On va dire que tu as déjà mangé dans l'émission à Albino. Albino, voilà. Il est derrière moi, je l'ai même pas vu. Albino, il attend juste que tu t'en ailles. Excuse-moi, Albino, mais on va te laisser l'antenne. Donc voilà, juste après l'émission découverte, vous allez retrouver notre ami Albino avec son émission Mavrika. Hein. Donc moi, pour ma part et mes collègues, on vous donne rendez-vous demain à la salle de Montition à Saint-Jean-de-Blanc à partir de 20h30. Et je vous retrouve, moi, vendredi prochain, à la même heure, de 17h à 19h. Et comme c'est agréable d'être ensemble au micro, hein, ça arrive, mais c'est pas si souvent. Parce que Manu, il se plaint qu'il est toujours tout seul à son émission, mais faut pas trop que tu dises ça, parce que on va venir, en fait. Mais moi, ça me gêne pas, ça me fait parler, parce que les gens disent que je parle pas. Parce que, toi, même là, ça vient de me rappeler un truc, j'ai juste un petit truc à rajouter. Dimanche prochain, pas dimanche là, dimanche 26, oui. Radio Arc-en-Ciel fait une émission, donc c'est l'émission à Lionel. Tu seras en extérieur, en direct. Enfin, c'est pas mon émission, c'est le téléphone seul. Oui, mais bon, c'est toi. C'est une émission de toute une journée. Hein. De toute une journée, donc radio. Toute une journée d'émission et qui sera en direct du Panier du Monde pour les 10 ans du Panier du Monde. Et Radio Arc-en-Ciel sera présent pour faire une émission de 10h. 10h du matin jusqu'à 18-19h. 18h, c'est gentil déjà. 18h, c'est pas mal. 8h de travail. Voilà. En tout cas, eux, les Panimons, eux, leur spectacle va jusqu'à 19h. Donc, Radio Arc-en-Ciel arrêtera peut-être un petit peu avant, parce qu'il faut qu'on range le matériel, tout ça. Mais en tout cas, Radio Arc-en-Ciel sera en extérieur, en direct, du Panier du Monde, donc le dimanche 26 novembre. Donc, tous les gens qui veulent, qui connaissent pas bien les gens de la radio, bah, c'est le moment de venir voir qui est là. Tout à fait. Parce que les animateurs sont bien, tous les animateurs sont les bienvenus aussi, hein, les qui veulent venir nous aider, voilà, ou passer nous faire un petit coucou, quoi. Okay. Tu vas venir en cravate, Rémi ? Non, comme d'habitude, toujours en habillé, mais sans cravate. Non, en tout cas, on vous invite tous nos auditeurs, effectivement, d'être sur place, parce que c'est un partenaire à nous, et quelqu'un qui est toujours à nos côtés aussi. Puis vous, de l'autre côté, vous avez une entreprise, et vous souhaitez aussi que nous on fasse un direct de chez vous pour animer toute une après-midi. On est là, on peut... 2-3 heures, ça peut être que... Tout à fait, des événements comme ceci, c'est agréable de le faire, et de pouvoir sortir de nos studios, on apprécie beaucoup. Voilà, tout à fait. Donc, en tout cas, n'oubliez pas le rendez-vous demain. Ah, demain, très important. Très important. Demain, donc, Magda Gaït. 20h30 pour Bobifan. Voilà. Et on sera tous là avec le sourire pour vous accueillir. Et surtout, pas oublier les gens, pourquoi on vous demande de venir de tôt. Parce qu'à Rouge, ça commence à 21h. À 21h. Et effectivement, ce sont les 38 ans de notre association. On a préparé des petits cadeaux. Ah, il y aura des cadeaux. Vous voyez, j'étais même pas au courant qu'il y aura des cadeaux. J'espère que j'en ai. Le Père Noël, il est en rouge aujourd'hui. En tout cas, des cadeaux. Radio Arc-en-Ciel a déjà commencé à en donner parce qu'elle a fait gagner pas mal de places déjà. J'ai donc une encore aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, Monsieur Mario, je ne sais pas si je le dis bien. Donc Monsieur Mario qui viendra chercher sa place, soit à l'Arc-en-Ciel, soit directement. On vous met à l'entrée. À l'entrée, j'ai dit qu'il me demande. Avec sa pièce d'identité. Voilà, bien sûr, avec sa pièce d'identité. Et on lui remet. Ah, et à lui, puis tous les gens qui ont déjà gagné des places, bien sûr. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas un bon fin de semaine, un bon week-end, un rendez-vous surtout à demain. N'oubliez pas de venir avec nous. Et là, on a dit, on applaudit l'animateur. C'est ça. Ils sont en train de me. Vous ne le voyez pas, mais il a un sourire énorme. J'ai tout le temps la pêche. Tout le temps. Donc, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Et je vous laisse. Ah, justement, on termine avec Magda Gaït. Immigrante portugaise. C'est ça que c'est bon. Non, c'est immigrante portugaise. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et surtout à ceux qui viennent au bal demain. Donc, on est là. Et voilà, je pense au chantier parce qu'on a un sacré chantier en bas. Nous, on va aller au chantier en écoutant Magda Gaït, immigrante portugaise. Pedindo a Deus do céu para não ser para muito tempo. Diz a mulher ao marido, ao homem ganha coragem, que eu vou pedir a Deus que tenhas boa viagem. Imigrante português, como tu não há igual, vais honrar a tua pátria com o nome de Portugal. Imigrante português, como tu mulher, sem saber quando voltar, que seja o que Deus quiser. No comboio e avião, saudade.

amar, a não pensar duas vezes no que os outros vão pensar. É passar pelo tempo sem o deixar-me passar. Pois afinal de contas resta só uma certeza, o que se leva nesta vida é a vida que se leva.